secondes d'absence, l'illusion de tes bras, ce frisson d'impatience, leur chaleur à la fois. C'est des chaînes quand j'y pense, c'est l'amour quand j'y crois. Autant de ces heures à regarder d'en bas, à regarder en haut, le plafond où se noie la fumée comme une larme de la clope à mes doigts. Une seconde d'absence, le songe de nos mains, de nourrir nos silences, de nos soirs, nos matins. C'est idiot quand j'y pense, c'est l'amour quand j'y viens. C'est autant de regards à travers la fenêtre, à travers le brouillard, sur la rue qui se prête, comme le quai d'une gare, je te verrai peut-être. Une seconde d'absence, la table entre nous, cœur en patience, le sang à nos joues. C'est un jeu quand j'y pense, c'est l'amour quand j'y joue. C'est autant de distance à franchir de nos voies, à franchir notre chance, maintenant qu'on est là, comme deux indulgences pour la prochaine fois.